afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, on va continuer ce qu'on était rendu. On est rendu au verset 5. On va faire un petit résumé avant pour qu'on puisse rester dans notre contexte. Où est-ce qu'il est l'apôtre Paul qui a écrit la première épître à Timothée? Où est-il? En prison. Il est en prison, quelque part. On n'est pas sûr dans quelle prison il est. Il est peut-être probablement à Rome. Dans une prison à Rome. Il est en prison, pourquoi? Pour avoir prêché l'Évangile. Oui, parce qu'il avait prêché l'Évangile. Et il est en prison à cause de cela. Il n'est pas en prison parce qu'il n'a pas payé ses amendes ou ses tickets ou ses impôts. Il est en prison parce qu'il a prêché l'Évangile. Et plus on avance dans le temps, à partir de la mort de Jésus, en l'an 30-35 à peu près, plus on avance dans le temps, plus l'Empire romain va réagir au christianisme. Au début, on a une antipathie ou une colère de la part des Juifs contre le christianisme, mais plus on avance, plus les Romains vont devenir rebelles et puis vont devenir agressifs. C'est pour ça qu'en l'an 70, ils vont détruire Israël. Pour les Romains, le christianisme venait des Juifs, tu détruis le peuple juif, tu détruis le christianisme en partie. Donc pour eux autres, c'était associé. Le christianisme et les Juifs, c'était ensemble. Et l'origine du christianisme, qui commençait à leur taper sur les nerfs pas mal, venait des Juifs. Donc ça, c'était pour eux autres quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter. Tu veux dire des Juifs convertis? Mais les Juifs avant, ils ne dérangeaient pas les Romains? Oui, ils les dérangeaient, mais là, maintenant, ils propageaient dans l'Empire romain leur Dieu et leur foi, leur soi-disant Messie au roi. Pour eux autres, ils ne voient pas vraiment la différence. Je me souviens, quand j'ai commencé à prêcher l'Évangile, il y a 45 ans, pour le Québécois, tous ceux qui passaient par les portes, c'était des témoins de Jéhovah. Ils ne faisaient pas de différence pour eux autres. Tu avais des catholiques et tu avais tous les autres. C'était comme ça que ça marchait. Et pour les Juifs, que tu sois un Juif et que le christianisme venait d'Israël, pour les Romains, c'était dur à séparer les deux choses. Les deux. Nous, on aurait dit qu'il y a une différence entre les deux, mais eux autres ne voyaient pas la différence entre les deux. Je ne dirais pas que c'est seulement à cause de la foi qu'ils ont détruit Israël. C'était aussi question politique, bien entendu. Mais il y avait. Pour les Romains permettaient que tu gardes ta foi. Okay? Ils permettaient que tu gardes ta foi. Au contraire, il y avait des Perses ou des Grecs avant qui forçaient les populations conquises à adhérer à des fois qu'ils n'avaient pas. Les Romains, eux autres, ils ont été plus sages un petit peu. Ils ont dit, tu peux garder ta religion, mais fais pas de problème avec le Rome, fais pas de problème, ne t'engage pas contre Rome ou contre les choses. Contre César, qui était considéré un peu comme un être divin, mais ne parle pas contre César. Pratique ta religion, mais juste tranquille. Mais il n'était pas vraiment favorable à un mouvement religieux qui voulait faire du prosélytisme, qui voulait convertir tout le monde à leur chose. Tout le monde à leur. Puis eux autres, mais comme vous avez probablement vu dans les Actes des Apôtres, ils prêchent que nos dieux, c'est juste des statues, que c'est pas vrai, puis c'est des affaires. Tu sais, c'est des gens qui prêchent contre les religions. J'ai lu un livre à un moment donné sur le Nouvel Âge, et il disait qu'il était contre le christianisme, je parle du vrai christianisme, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls qui ont la vérité. Une des raisons qu'ils nous en veulent, c'est qu'on dit qu'on est les seuls en Jésus-Christ qu'on a la vérité. Que leurs choses sont fausses. Ils sont d'accord quand on dit ce qu'on croit qu'on a la vérité, mais viens pas dire que moi, je n'ai pas la vérité. Okay? Donc, c'est différent. Et donc, si vous dites à tout le monde, comment est-ce qu'on dit ça, là? Kumbala, tout le monde est correct, tout le monde est correct, tout le monde est bon, toutes les religions sont bonnes dans le fin fond. Je me souviens de ma mère, en pleurs, à côté de moi, François, on est correct toutes les deux, là. On est correct toutes les deux. Non, on n'est pas correct toutes les deux. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, l'apôtre Paul se retrouve en prison à cause de l'Évangile, et il vit ses propres problèmes, parce que la première fois qu'il va en prison, il y a une prison probablement confortable jusqu'à certains points, mais la dernière fois qu'il a écrit l'Épître, on pense plutôt qu'il est dans une prison où est-ce qu'il passe des temps difficiles, et qu'il va, là, il est comme un traître à l'Empire romain, et on va le décapiter. Si l'histoire est vraie, on va le décapiter finalement. Donc on le voit comme un criminel, on le voit comme quelqu'un qui fait du trouble. Et donc, mais Paul, ce qui me fait sourire un peu, c'est que même dans le fin fond de sa prison, il s'en fait pour les autres. Ça, je trouve ça intéressant. D'habitude, quand on est dans la misère, on pense juste à notre misère à nous. On ne pense pas à la misère des autres. On ne va pas pour régler la misère des autres, on est dans l'autre. Ah ben, j'ai assez mes problèmes, je ne vais pas régler les problèmes des autres. Mais ça semblait que Paul n'avait pas tout à fait cette mentalité-là. Il voit, et puis il va prendre la décision d'écrire à Timothée. Je ne sais pas comment il y a eu les nouvelles de Timothée, il y a eu probablement des nouvelles de lui, de ce qui se passait. Et il y a eu des nouvelles, et il prend la décision de lui écrire, ou bien, que l'apôtre Paul se souvient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous lisez les deux épîtres, il va dire « Je me rappelle tes larmes ». Beaucoup de théologiens pensent que c'est les larmes que Timothée avait quand Paul est parti de la Macédoine. Donc, est-ce que Timothée était triste parce que Paul s'en allait et peut-être qu'il ne le reverrait plus? Ou, il était triste parce qu'il partait? C'est où, François, tu as vu qui se souvient de ses larmes? C'est-tu dans un Timothée? Deux Timothée. Ah, dans lui, OK. Je vous l'ai dit, il faut que vous lisiez les deux si vous voulez comprendre la première. Si vous n'avez pas compris la deuxième, vous ne comprenez pas la première aussi bien. On peut comprendre un peu, mais on ne peut pas comprendre aussi bien. Il faut voir les deux ensemble. Les deux sont... C'est les deux mêmes auteurs, le même auteur, les deux sont les mêmes destinataires, et les deux ne sont pas écrits très loin l'une de l'autre, et les deux, c'est toujours Timothée qui est à Éphèse. Donc, on doit comprendre les deux pour bien saisir ce qu'il était en train de dire. Donc, Paul va décider d'écrire à ce Timothée-là qui passe par un temps difficile, dans l'église d'Éphèse ou dans sa propre vie. Il passe un temps difficile et il se trouve loin de son père spirituel. Il se trouve loin de celui sur lequel, probablement, me semble le voir, Timothée, le soir, dire à Paul, « Mais explique-moi donc ça, c'est quoi ça veut dire ça? Pourquoi qu'il dit ça? Pourquoi qu'il agit de même les Juifs? Pourquoi qu'ils font ça? » Donc, je crois qu'il faut voir Paul et Timothée comme deux êtres humains. Pas comme nous autres. Là, je me demande bien. Michel, ça va. J'ai une question, François. Je vois Timothée puis Paul faire ça aussi. Là. C'est la nature de l'être humain. On est comme ça, les êtres humains. Et quand on. Je crois que c'est des êtres comme nous, avec leurs peurs, leurs craintes, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs interrogations, leurs doutes, leurs. Il va dire un peu plus loin, « N'aie pas honte de moi, Timothée, n'aie pas honte de mes chaînes. » Et ça cause une certaine honte quand ton père est en prison, peu importe les raisons. Okay? Donc, tu te poses des questions, et les gens vont te poser des questions. « Qu'est-ce qu'il fait là, ton père en prison? Tu sais, pourquoi il est en prison? » on devait avoir inventé tes histoires. Vous savez que ça fait ça, les médias, hein? Ça les vend des histoires sur des choses. Le chef de la secte chrétienne est en prison à Rome. Et là, on a dû en partir des histoires autour de ça, pourquoi qu'il était là. Et toi, tu dois, en tant que chrétien, défendre, puis parler en faveur de Paul, puis d'essayer de le défendre, il était là pour la foi, puis ça doit être intéressant. J'aurais bien aimé être un petit oiseau, bien écouter ce qu'il disait. Puis la nature étant que tous les gens autour doivent dire, ben, la preuve que c'est pas bon, regarde, il est en prison. Et puis je crois qu'en même temps, certains juifs devaient, certainement pour eux autres, dire si c'était de Dieu, ça n'arriverait pas. Et il y a des chrétiens, comme il y a des chrétiens aujourd'hui, qui disent si tu es malade, c'est parce que probablement tu as des péchés dans ta vie, si ça ne marche pas, c'est parce que tu es comme ça. Il y a des chrétiens qui pensaient comme ça aussi à cette époque-là. Donc si Dieu ne vous bénit pas, hein, dans le sens bénir, ça veut dire ça va bien tout le temps, c'est ça qu'on pense que ça veut dire bénir, mais c'est parce que tu as quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas bien. Mais on sait que ce n'est pas la réalité. Paul a passé une partie de sa vie dans la misère. Allez lire la vie de Paul dans 2 Corinthiens quand il décrit sa vie. Tu dis, ben, il devait être méchant, pas un bon chrétien, parce que sa vie, ben, ça allait pas bien. Coup de bâton, lapidation, laissé pour mort, maladie, pauvreté, misère. Il y avait tout ça, Paul. Donc, si on dit que la vie chrétienne, c'est une bénédiction sans fin, l'apôtre Paul avait de la misère, il avait des péchés dans sa vie, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il avait des péchés dans sa vie. Parce que c'est un pécheur pareil comme nous. Okay? C'est vrai qu'il y avait. Bon, alors ça, t'as goûté de propager plus vite. Okay. Donc, Paul va écrire à Timothée, son enfant légitime, son enfant dans la foi, qui le suit pas à pas dans la foi, qui prêche le même évangile que Paul. Mais tout au long de l'épître, on va voir qu'il va, il passe par un temps difficile. C'est ma compréhension. Où est-ce qu'il va dire que de ne pas avoir honte, prends position, à toute occasion favorable ou non, prends position, Timothée. Ne te laisse pas aller, Timothée. Il va dire, agis, Timothée, et ainsi tu vas te sauver toi-même. Et tu vas sauver ceux qui te suivent. Donc, c'est intéressant comme dialogue, quand Paul dit ça à Timothée, tu vas te sauver toi-même. Sauver de quoi? Sauver pourquoi? Un chrétien, mon frère, c'est quoi cette affaire-là? C'est qu'est-ce qu'il veut dire à Timothée? Et pourquoi tu avais le besoin, pourquoi Paul sent le besoin de le dire à Timothée? Donc, on l'a vu un petit peu la semaine passée, la raison, c'est que, au verset 3, il y avait des gens qui étaient dans l'Église qui enseignaient d'autres doctrines. Ça veut dire d'autres que Paul avait enseigné. C'est ça qui était la raison. Nous, on dirait des doctrines qui ne sont pas dans la Bible. Ou des doctrines qui sont la mauvaise compréhension de la Bible. Des fois, on peut dire que ça vient de la Bible. Ça peut être une mauvaise compréhension de ce que la Bible a dit aussi, que Paul pourrait appeler d'autres doctrines. Okay? Donc, ça pourrait être ça aussi. Donc, l'Église est, selon ma compréhension, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter, l'Église a toujours des fausses doctrines. Toujours. Il faut toujours qu'elle se batte pour garder la doctrine pure. Il faut toujours qu'elle se batte pour revenir à la vérité. Il faut toujours qu'elle se batte. On ne peut pas dire, ben, dans notre génération, là, au Québec, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, l'Église est sans erreur. Rien là. Mais si on ne fait pas un effort pour trouver où est-ce qu'on se trompe, ça voudrait-tu dire qu'on pense qu'on ne se trompe pas? Je peux certain point, oui. Hein? Si on ne fait pas un effort pour savoir où est-ce que je me trompe, ça veut dire que je pense que je ne me trompe pas. Et ça devrait être notre prière quand on se met à lire les Écritures, Seigneur, montre-moi où est-ce que je suis dans l'erreur. Montre-moi-le. Que ton esprit me fasse comprendre par les Écritures où est-ce que je me trompe, où est-ce que je m'écarte un peu de la vérité, afin de rester dans la vérité. Il faut se poser la question. Sans ça, on déclare, sans le dire, l'infaillibilité. Ma foi est infaillible, c'est vrai, en toute chose. J'ai aucune erreur. C'est pas une réalité. Donc, on est mieux de se poser la question et de dire, on va prier, on va regarder, on va songer, on va méditer, puis on va essayer de voir où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'on peut aller plus loin, pourquoi on dit ça, pourquoi on ne dit pas ça. J'ai peut-être posé la question nous autres mêmes. On dit que, bon, on connaît différentes églises, à Pétainville ou ailleurs, à Québec. Pourquoi on n'a pas toutes les mêmes pensées? Je dis que tous les autres ont tort, c'est juste nous qui avons raison. Carole a fait ça. On ne peut pas tout le temps, il faut juste être ouvert et dire ça se pourrait qu'on ait des erreurs. Et bon, depuis 45 ans que je suis croyant, j'ai des choses que j'ai changées en allant. Parce qu'on comprend mieux. Donc, c'est. On va voir en s'en allant dans la première épître et dans la deuxième épître, c'est quoi les autres doctrines, OK? Okay? Il enseigne d'autres doctrines, on va essayer d'en voir, il va probablement en parler, lui, là, dans ces deux lettres-là. Il y a, à moins que vous essayez de les trouver, tiens, je vous donne un petit devoir. Ceux qui aiment ça, faites des devoirs, là. Essayez de trouver, en lisant les deux épîtres, c'est quoi les autres doctrines qui sont enseignées dans l'Église. Puis en même temps, au verset 4, il n'y avait pas juste un problème dans ces d'autres doctrines. Au verset 4, ils disent quoi? Ils s'attachent à des fables et des généalogies sans fin qui ne produisent pas, qui produisent des discussions, des débats, des chiolages, on pourrait dire, ou des divisions. Et cela, ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, il enseigne d'autres doctrines, puis ils ont tendance à s'attacher à des fables et des généalogies. On va essayer de comprendre c'est quoi, s'en allant, ça veut dire quoi ces choses-là. Ailleurs, il va dire des discours vains. D'autres places, il va dire des paroles de vieilles femmes, des contes de vieilles femmes. Il y a différentes façons de dire la même chose ici, là. Donc, l'Église a tendance à s'occuper ou à faire un cheval de bataille parce qu'il n'est pas le cheval de bataille. On a tendance à faire quelque chose de plus, à prendre des choses comme dans beaucoup d'Églises aux États-Unis, là, il y a une grande question de débat là, par rapport à l'avortement. L'avortement, le vote contre l'avortement, les pilules d'avortement, tout ça. Il y a des églises qui ont parti en guerre contre l'avortement, il y a des églises qui se posent en guerre pour l'avortement. Et ça distrait l'Église. Je suis certain. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en parler dans l'Église, dans la Bible, quand la Bible en parle, on en parle. Mais en faire son cheval de bataille, c'est une autre histoire. Okay? Donc, il faut faire attention. Si vous étudiez l'histoire de l'Église à travers les 2000 ans qui ont passé, vous allez voir que l'Église est toujours en train de prendre des chevaux de bataille. Des choses qui deviennent importantes, qui ont une certaine importance, mais ça devient l'importance. Comme il y a eu une période au temps de M. Darwin, où ce que les Églises ont parlé de quoi vous pensez? Le grand débat de la création. On a été créé comment, puis comment, avec quelle vitesse, tout ça. Ça a fait des débats et des débats et des débats. Et des fois, on oublie que, oui, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Il y a quelque chose de plus important que ça. C'est servir notre Dieu, glorifier notre Dieu, puis prêcher l'Évangile, puis le salut des âmes. Ça, c'est plus important. Ça, c'est plus important. Les autres choses, on peut en discuter. Ça ne devrait pas devenir quelque chose de trop important. Ici, il dit, il s'attache. Donc, quand tu as tendance à ajouter des doctrines, d'autres doctrines, et que tu t'attaches à des fables et des généalogies, ben, ça reflète quelque chose. Ça reflète quoi? Quand tu t'aperçois là, que tu t'es perdu en auto, ça veut dire quoi dans ta tête? C'est quoi que. Quand tu dis là, ouais, on est perdu, c'est ta faute, ma femme? C'est toi qui t'as fait. Toi, t'as faute du GPS. Toc! Ça veut dire quoi quand on réalise qu'on est perdu? Non, on le réalise. Là. Ça veut dire qu'on a. T'as pas suivi le chemin. T'as pas suivi le bon chemin. T'as quitté le bon chemin. Puis tu t'en es pas rendu compte. Toi, t'as pris une fourche. Tu t'étais distrait. Ça vous arrive pas d'être distrait, mais ça m'arrive. Tu t'es distrait. Du coup, t'as passé droit. Non, on est rendu, on n'a pas ses droits. Là, parce qu'on a quitté. Donc, hein, une église enseigne d'autres doctrines, puis elle s'attache à des fables et des généalogies, c'est parce qu'elle a quitté le bon chemin, en partie. Donc, c'est important de le réaliser. C'est le sens-là. On n'est pas conscient qu'on peut s'égarer. Une église peut-elle s'égarer? Ben oui. Ben oui, elle peut s'égarer. Mais en même temps, je vais vous faire remarquer quelque chose. Tenez ça. Quand c'est comme ça, quand l'Église d'Éphèse ici, là, cette Église-là, là, Il y a des gens qui sont là, certaines personnes, on ne sait pas combien, ils enseignent d'autres doctrines, ils s'attachent à des fables et des généalogies. Pensez-vous que ça va avoir un impact dans la vie d'Église et dans la pratique de la foi chrétienne? De la foi. Oui. On ne peut pas faire autrement. Oui. On ne peut pas faire autrement. Ça va se manifester le lundi. Si je peux dire ça comme ça. Ça va se manifester dans ma vie de tous les jours. Comme si je crois à la vérité, ça va se manifester. Si je crois, si là, je t'ai influencé. Combien de temps ça a duré? Combien de temps quand Paul va voir cela, qu'il voit qu'il y a des fausses doctrines, d'autres doctrines et des choses, puis qu'il dit à Timothée, reste là, toi, tu vas rester ici, moi, je m'en vais plus loin. Toi, tu vas rester ici, tu vas t'occuper de ça, mon Timothée. Tu vas régler ça, ces problèmes-là, toi, là. Comment ça faisait tant ça durait, ça, là? 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'a pas vraiment, c'est pas clair. Mais on va voir dans la première épître et dans la deuxième, je crois que ça faisait un certain temps. Et que ça avait influencé l'Église dans une mauvaise direction. Ça va amener les chrétiens à prendre des décisions et à faire des choses qui venaient de ces fausses doctrines-là, ou de ces autres doctrines-là, ou ces fables-là, ou ces généalogies sans fin. Ça venait de ça. Donc, c'est d'où ça vient, ça, ces fables-là, ou ces contes de vieilles femmes-là, ou ces généalogies sans fin. Ça vient d'où, ça? Ça vient de leur arrière-plan, ça vient du monde dans lequel ils vivaient. Ça ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Vous savez, comme moi, on traîne avec nous autres nos affaires. Hein? On traîne avec nous autres nos affaires. On n'a pas le choix. Vous étiez des anciens catholiques fervents. Bien, vous avez traîné ça avec vous autres. Si vous aviez été, un athée fervent, bien, vous avez traîné ça avec vous autres. Vous êtes hanté dans l'Église avec ça. Et l'Église doit travailler avec vous pour vous faire du ménage dans vos idées, dans vos pensées. Qu'est-ce que tu veux? On est comme ça, c'est toute la gang, on est comme ça. On est arrivé au Seigneur avec nos folies, nos idées folles, par rapport au monde, par rapport à la création peut-être, par rapport au mariage, par rapport à... N'importe quoi, on est arrivé avec nos folies. Et là, on s'expose à la vérité, on se fait exposer à la vérité, semaine après semaine, mois après mois, jour après jour, quand on lit soi-même les Écritures. Et là, on rend compte que, oh, il y a un paquet d'affaires qui étaient dans ma tête, qui c'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu. Ça, cette affaire-là, ça vient de mon éducation, ça vient de ma formation académique, ça peut venir de ma famille, de mes parents qui m'ont répété ça pendant 20 ans, et je pensais que c'était vrai, du coup, je réalise que c'est pas vrai. Donc, il faut faire le ménage. Mais quand, ici, il faut bien comprendre que ça se passe dans l'Église. Donc, ça veut dire que dans l'Église, il y avait des gens qui enseignaient des choses. Et Timothée, lui, doit rester là et essayer de faire du ménage là-dedans. Faire du ménage là-dedans. Je ne sais pas, je crois qu'il y avait des juifs, là. Je crois qu'il y avait peut-être des prosélytes juifs. Et peut-être qu'il y avait aussi des Grecs ou des Romains qui étaient là. Donc, il y a probablement une église un peu mélangée dans l'arrière-plan religieux qu'ils savaient. Donc, ils sont venus ensemble. Et là, tout d'un coup, ils doivent tranquillement faire du ménage. On sait que c'est Paul qui a commencé l'Église avec Priscille et Aquilas, l'Église d'Éphèse. Il est parti, donc il va. On sait qu'il a envoyé Timothée, peut-être, Tichée qui est allé, Tite. Mais là, Paul, il passe à Éphèse, mais il ne reste pas à Éphèse. Lui. Mais lui, il l'a vu. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, là. Un dimanche, deux dimanches. Où ça va, peu importe quoi. Comment tant ça lui a pris à voir qu'il y avait d'autres doctrines dans l'Église? Et comment tant ça lui a pris à voir que les chrétiens s'attachaient à des bébelles plutôt que s'attachaient à la vérité? Et des fois, quand je dis bébelles, je devrais dire des choses religieuses plutôt que d'autres choses. Les bébelles, c'est pas peut-être le bon mot. Mais les choses religieuses, on a tendance à s'attacher aux choses religieuses. Je me souviens, la première fois, j'ai pensé que dans mon arrière-plan catholique, que j'avais été élevé, qu'on faisait le chapelet tous les soirs, ou à peu près, puis que j'étais allé au collège, j'avais l'intention de devenir peut-être un frère, là, des écoles chrétiennes. On faisait des prières tous les soirs, puis que je m'étais rendu compte que ça se reflétait dans ma vie de prière. La répétition avait une force. Si on répétait plus la prière, on avait l'impression qu'on était plus pour être plus exaucé. ça venait du fait que j'avais répété, que j'avais appris ce principe-là. Tout d'un coup, dans les Écritures, la Bible ne nous enseigne pas ça, mais pourtant, c'est devenu une vérité dans ma vie et dans la vie d'Église. Quand la Bible ne nous enseigne pas la répétition, même a dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de répéter les choses, ils vont être exaucés. Faites pas comme eux autres. Puis on faisait la même chose, où j'appelais ça le chapelet baptiste dans le temps. On faisait nos chapelets baptistes, on répétait, puis on pensait qu'à force de répéter, que Dieu était pour nous exaucer. Mais ce n'était pas une réalité. Dieu, on n'a pas besoin de casser les oreilles pour qu'il écoute, qu'il entende ce qu'on dit. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je t'ai laissé là, mon Timothée, et là, on est au verset 5. Là, on commence le nouveau, ce qu'on n'avait pas vu la semaine passée. Il dit, le but de la recommandation, de quelle recommandation parle-t-il? Le but de cette recommandation, de quelle recommandation parle-t-il? De reprendre les gens qui font des fausses doctrines. Donc, il parle du verset 3 et du verset 4. Je t'ai laissé là pour recommander ou commander, dépendamment de la Bible que vous avez, à certaines personnes de ne pas faire ça. Et le but de ne pas faire ça, le but de les arrêter de faire ça, c'est le verset 5. OK? Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, le but de faire ça, c'est qu'on va avoir dans l'Église, dans les gens qui vont côtoyer l'Église, ça va être des gens qui ont un amour venant d'un cœur pur, ça va être des gens qui vont vivre dans l'Église qui ont une bonne conscience et qui ont une foi sincère. C'est le but. C'est le but de la recommandation. Donc, si je n'ai pas ça comme but, pourquoi je te laisserai là, mon Timothée? Le but que je te laisse là, Timothée, c'est que l'Église revienne au verset 5. Donc, toutes les deux épîtres que vous allez lire, là, c'est juste pour ramener l'Église là. Donc, si vous ne charriez pas, là, quand vous allez lire les deux épîtres, charriez pas, allez-vous-en pas dans toutes les directions. Là. Le but, c'est de ramener l'Église à aimer Dieu avec un cœur pur, à avoir une bonne conscience envers Dieu et d'avoir une foi sincère. C'est ça le but. Si je pense que je l'ai déjà, j'écouterai pas. Je ferai rien avec ça. Parce que je pense que je l'ai déjà. Donc, Timothée va falloir qu'il convainque l'Église qu'ils l'ont pu. Qu'ils l'ont pas, cette affaire-là. Qu'ils doivent travailler pour revenir à cette direction-là. Parce que, as-tu déjà essayé de convaincre quelqu'un qui était perdu, qui pense qu'il n'est pas perdu, toi? Hein? Ah oh, non, on n'est pas perdu. Ah non, on n'est pas perdu. Je sais ce qu'on s'en va. Ben oui, on est perdu. Je me souviens une fois avec un monsieur que vous connaissez, je ne nommerai pas, mais lui, il n'était jamais perdu. Même quand je disais qu'on était perdu, on n'est jamais perdu, François. On n'est jamais perdu. On va prendre notre chemin, on n'est jamais perdu. Il n'était jamais perdu. Bon. Mais on était perdu. Oui, on était perdu. Il ne savait pas ce qu'il était, vraiment. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas se retrouver à force de taponner, de zigonner de toutes les rues de la ville. On finissait par se retrouver, mais il n'était jamais perdu. Mais l'Église, elle, quand Timothée, quand Paul est arrivé et qu'il a vu l'Église d'Éphèse, puis qu'il va laisser Timothée, l'Église n'est pas consciente à 100% qu'elle s'est égarée. Elle n'est pas consciente. Et vous avouez pourquoi ça se fait comme ça? C'est parce que ça se fait bien lentement. Bien lentement. C'est subtil. Ça se passe tranquillement, pas vite, mois après mois, année après année. Tout d'un coup, on est dans le chapitre. Il dit, tiens, il faut falloir que tu fasses ça. Il va regarder bien le verset 6 maintenant. Là, on va revenir à ces trois phénomènes-là. Mais il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses. C'est quoi les choses? C'est trois choses, là. C'est quoi les choses? La bonne conscience. C'est quoi? Ben, c'est la bonne conscience, le cœur pur, puis l'amour. L'amour pur. L'amour, en tout cas, c'est la foi. OK, donc, c'est le verset 5. Donc, il dit, il y en a qui se sont éloignés d'un amour avec un cœur pur. Il y en a qui se sont détournés, j'ai appelé le mot détourné, d'une bonne conscience. se sont détournés d'une foi sincère. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça produit? Ils s'égarent dans des choses. Ils s'égarent dans des vains discours. Ils parlent avec des affaires qui ne sont pas vraiment utiles, qui sont vaines, qui n'aiment pas. Donc, c'est. Qu'est-ce que c'est maintenant le verset 5? Les trois choses qu'il y a là, ils vont revenir dans les deux épîtres. OK? Pendant les deux épîtres, là, il va dire au moins 5-6 fois bonne conscience, foi sincère, pur. Si vous cherchez le mot pur, là, dans les deux épîtres, il va venir 7-8 fois pur, pur, pur, pur. Ici, il va dire bonne conscience, ailleurs, il va dire une conscience pure. Il va dire que c'est. Probablement que ça veut dire la même chose dans sa tête à Paul, parce qu'il ne changerait pas de direction. Donc, il semble qu'il dit cœur pur, conscience pure, foi pure. Puis je vais vous dire quelque chose. Remarquez ça aussi, là. Si tu en perds une, tu perds les trois. Je ne peux pas dire, moi, là, j'ai une foi très pure, mais j'ai une mauvaise conscience. Ça va être un peu plus difficile. J'aime Dieu d'un cœur pur, mais j'ai une mauvaise conscience. Ça va être dur aussi. Les trois vont ensemble. Il ne faut pas rien qu'ils nomment ensemble ici. Puis, pendant les deux épîtres, il va toujours les ramener quasiment ensemble. Il va dire ils ont perdu la bonne conscience. Ah, ils n'ont plus un cœur pur. Et le mot pur. Non, quand vous entendez le mot un cœur pur, là, quelqu'un dit aimer Dieu avec un cœur pur, ça veut dire quoi ça? Un cœur pur. Ça veut dire quoi ça? Une conscience pure ou une bonne conscience ou une foi sincère? Les trois sont un peu synonymes. C'est pour ça que si tu n'as plus un cœur pur dans ton amour pour Dieu, ta conscience sera plus pure et ta foi ne sera pas sincère non plus. Donc, il faut comprendre les trois ensemble. Si vous essayez d'interpréter juste un des trois, bien, vous allez avoir de la misère, parce que les trois vont ensemble. J'espère que vous avez remarqué ça dans votre lecture des deux épîtres. Ils vont ensemble. T'en perds un, tu perds les autres. Le mot pur, ça veut dire quoi? Quand j'ai lu les premières fois, il y a un passage de l'Évangile qui m'est revenu. Heureux ceux qui ont un cœur pur, quand ils verront Dieu dans les béatitudes. C'est le même mot dans le grec, le mot pur. Savez-vous, ça veut dire quoi? Visage à deux faces. Tu n'as pas un cœur double. Tu n'aimes pas deux choses. Tu aimes juste une chose. C'est ça que ça veut dire. Tu aimes juste une chose. T'aimes pas, t'es pas divisé. C'est un cœur qui est totalement consacré à quelque chose. C'est comme si tu peux pas avoir Dieu et une idole, mettons. Tu peux dire j'aime ma femme, mais j'ai une maîtresse ce soir. Tu peux dire ton cœur n'est pas pur. OK, ton cœur n'est pas pur. Ça, on le comprend. Ah, tout d'un coup, je vous fais faire. Ouais, toutes les femmes ont dit ouais, c'est vrai ça. Mais, j'aime l'exemple que tu donnes, François, ça aide à comprendre. On comprend, c'est ça. Hein? Si tu ne peux pas dire à une personne, mon cœur, je t'aime beaucoup, mais en même temps, j'ai une maîtresse ou un amant, tu dirais, mais ça ne marche pas, non, c'est pas vrai ton histoire. Dans les deux épîtres, c'est ça qu'on est en train de parler. L'Église a plus un cœur pur. Elle n'a plus une foi sincère. Elle n'a plus une bonne conscience. Donc, elle joue un jeu double. Elle joue un jeu double. Et dans les épîtres, c'est souvent la situation de l'Église. Elle joue un jeu double. Elle dit à Dieu qu'elle l'aime par-dessus toute chose, mais elle a d'autres choses qu'elle aime aussi autant. Son cœur est divisé en. Il va en parler un peu plus loin. C'est pour ça qu'il va. Dans les deux épîtres, je dirais que c'est les deux petites lettres. Et dans ces deux petites lettres-là, c'est dans ces deux petites lettres qu'on retrouve le plus souvent, ou le plus, l'abandon de la foi. C'est l'apôtre Paul, il dit, j'en ai livré à Satan, Il y en a qui m'ont abandonné pour le siècle présent. Tous m'ont abandonné quand j'étais en prison. Il y a un abandon de la foi dans ces deux époques-là. C'est impressionnant. On est à peu près 40 ans après le début de l'Église. 40 ans, les années 30, les années 70. 40 ans plus tard, la mort de Jésus, Paul se retrouve à Rome, en prison. Il dit, pour ma première défense, tous m'ont abandonné. Personne n'est resté avec moi. Excepté Luc. Donc, il voit un abandon de la foi juste après 40 ans. Et il trouve ça difficile. Je crois que Paul trouve ça difficile à vivre hein, en tant que celui qui avait souvent commencé l'Église. Puis quand, tu sais, livrer à Satan quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas facile. Mais livrer à Satan les gens qui travaillent avec toi, c'est une autre histoire. Là, c'est des gens qui travaillent avec lui. Qui lui est obligé de livrer à Satan parce qu'il blasphème. Ça veut dire quoi, là, sur le blasphème? Sacré. Non, pas ça. C'est ça que ça veut dire. Livrer à Satan, c'était-tu pour la destruction de la chair seulement? Parce que là, tu fais un lien avec ton corps intime. Mais ça, il ne dit pas ici. Ben, parce que je suis allée voir la petite note en bas, puis il m'envoyait dans la pause pour ça. Je crois que les deux sont différents. Ah, OK. Je crois que les deux sont différents. Okay. Ici, on va voir. Là, c'était pour la destruction. Ici, oui. C'est pour qu'ils apprennent à ne pas persuader. OK. Fait que ça veut dire qu'ils sont morts. Ou ils sont plus chrétiens. Écoute la vidéo. Ouais, donc, parce que tu veux pas devancer pour qu'on comprenne non, bien. Non, c'est vrai, c'est parce que t'en parles là, c'est pour ça que c'est. Donc, les deux épîtres vont parler d'avoir un cœur pur pour Dieu, d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Une foi sincère. Quand on parle d'une foi sincère, je ne parle pas de ma foi. OK? Ma foi, c'est ma foi. Et je parle d'une foi qui est... C'est nouveau que je vous avais dit, ça voulait dire quoi, sincère? Sensé. Pourquoi j'avais dit ça? T'en souviens-tu? T'avais-tu parlé des vases qui vendaient, puis là, des fois, là, il y avait des scratchs, puis ils mettaient de la cire, fait qu'ils paraissaient comme neuf quand ils étaient pas... Tout on dirait sans défaut. Ouais. C'est sans défaut. Mais les autres, ils cachaient les défauts. OK. OK, cachaient le défaut. Ça vient d'un mot latin, sans cire. Parce qu'il y avait une craque, on la réparait, on remplissait la craque de cire, puis on peinturait par-dessus, puis ça ne paraissait plus. Puis on le vendait comme étant un autre, pas de défaut. Mais il dit, votre foi doit être sans défaut. Donc, c'est pas ma capacité de croire. C'est ce que je crois qui doit être sans défaut. Vous me suivez, là? C'est bien plus important que ce que je crois soit sans défaut que si ma foi a des défaillances de temps en temps. Qu'elle se pose des questions. Ça, je peux passer au travers des vagues avec ça. Une foi qui monte, qui baisse, ça peut fonctionner. Mais si ma foi, le contenu de ma foi, n'est pas sincère, n'est pas sans problématique, n'a pas d'autres doctrines ou d'autres fables dedans ou d'autres généalogies, là j'ai un problème. OK? Là j'ai un problème. Donc ma foi doit être. Sincère, doit être sincère, doit pas être fausse. Donc, je ne crois pas à des choses. La plupart du temps, l'Église ne rejette pas carrément les vérités bibliques. Elle fait juste les mélanger avec d'autres choses. C'est plus subtil. Elle fait juste les mélanger avec d'autres choses. Une au Québec, c'est ce qu'on a vu le plus, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, elle n'a pas rejeté. Paquet d'affaires qu'elle croit, qui sont corrects, là. Dieu créateur, la Trinité, Jésus est Dieu, il est né d'une vierge, il est ressuscité, il est monté au ciel. Elle croit un paquet d'affaires, mais elle a mélangé d'autres choses avec, qu'on appelle la tradition des hommes, ou les traditions, ou les d'autres commandements, hein, les sept commandements de l'Église qu'on va rajouter. Elle a rajouté. Ils n'enlèvent pas. Et la plupart qu'on va voir dans nos deux épîtres, ceux qui enseignent d'autres doctrines, pas du temps, ils n'enlèvent pas les autres. Ils vont juste en rajouter d'autres, les mettre, qui veulent tout. Tu sais, dans le fond, oui, Jésus-Christ est mort pour nous, on est justifié par la foi, mais la circoncision, c'est pas mal. Tu sais, ça vient de la loi. Ça peut pas faire mal. Ça peut pas vraiment faire mal. Tu sais, on ajoute. C'est pour ça que la Bible a dit à quelques reprises, Malheur à celui qui ajoute ou qui enlève ce que j'ai écrit. Malheur à celui qui ajoute ou qui enlève. Donc, il faut toujours en tête évanouir. Il y en a un missionnaire qui avait dit, il y a de la vérité là-dedans. Il y a tellement de peur qu'on ne la retrouve plus. Il y a tellement de vérité. Il y a des vérités dans l'Église, là, de ce que je t'avais. Mais il y a tellement de choses en dehors qui n'est pas la vérité qu'on ne retrouve plus la vérité dans le fond. Donc, ça veut dire que là, on est rendu loin dans ce temps-là. On est rendu trop loin. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que quand l'Église a un cœur qui n'est plus pur, ou une conscience qui n'est plus pure, quand elle n'a plus une foi sincère, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église? Comment est-ce qu'on va régler le problème ici? L'auteur ici, l'apôtre Paul, ne va pas vraiment décrire les trois sujets de façon positive. Mais il va la décrire surtout d'une façon négative. Comment je vais savoir si j'ai une mauvaise conscience? Comment je vais savoir si j'ai un amour qui n'est pas pur? Comment je vais savoir? Et lui, il va dire, voici ce qui arrive à ceux qui l'ont pu, ces affaires-là. La première chose, qu'est-ce qu'il dit ici, là? Il nous l'a dit au verset 6. La première chose qu'il dit, ceux qui ont abandonné ces choses-là, ces trois choses-là, se sont égarés dans de vains discours. Donc, c'est la première chose qu'on peut voir. Si je m'égare dans de vains discours, c'est le résultat d'avoir détourné des trois choses que je viens de nommer au verset 5. Je me suis détourné du chemin, du vrai chemin, puis je me suis égaré. C'est ça que ça veut dire. Si j'avais gardé un cœur pur pour Dieu, si j'avais gardé une bonne conscience envers Dieu, si j'avais gardé une foi sincère, je ne me serais pas égaré. Mais je me suis détourné et je me suis égaré. Quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui s'est détourné avant. OK? On ne s'égare pas, parce qu'on se détourne. Non, on s'est détourné, et ensuite ça, on s'égare. Donc, l'Église se détourne de certaines vérités, et donc elle s'égare dans d'autres choses. Des vains discours, j'appelle ça. Par le mot vains discours, on va en voir s'en allant. On parle de forme, de généalogie, on parle de d'autres doctrines, mais de. C'est quoi, c'est quelque chose qui est vain? Comment je peux savoir qu'un discours est vain? Ah. Et quand ça nuit à l'avancement de la foi. Attends, là. C'est bon. C'était bien correct. Okay. C'est bien bon. C'est des discussions qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vain? Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est tout. C'est pas compliqué, hein? Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est vrai. C'est comme si je t'entends me bâtir une maison, tout arrive avec ta guitare, je vais dire, c'est vain. T'as pas de place, là. On n'a pas besoin de ta guitare, c'est ça. Si on a besoin de marteau, puis de clou, puis d'arrache-clou, puis ça fait de même, mais pas de guitare. C'est vain. À moins que tu m'ajoutes. Il va jouer la musique pendant que ça va être ça. OK. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je me souviens d'une fois, j'étais dans une église, dans l'église de la Sarre, j'avais dit, on va réexaminer comment est-ce qu'on fait nos réunions, puis on va enlever tout ce qui ne nous sert pas à adorer Dieu. Parce qu'on est ici pour adorer Dieu, fait qu'il n'y a pas qu'à la fin qu'on fait. Qu'on a enlevé des affaires qui ne servaient pas à adorer Dieu. C'est parce qu'on a tendance à en ajouter. On a tendance à en ajouter. Ça fait partie de notre vie humaine, quand même. On a tendance à en ajouter. Puis il faut apprendre à regarder et dire c'est quoi mon but? C'est quoi le but de l'Église? Qu'est-ce que l'Église est là? Pourquoi l'Église? Si ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, il faut chercher quoi l'œuvre de Dieu, premièrement? Ça ne sert pas à faire avancer l'œuvre de Dieu, donc on va l'enlever ça, parce qu'on veut faire avancer l'œuvre de Dieu. Là, on parle de l'Église ici. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne doit pas manger. Hein? C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Donc, tout ce que je vous encourage, c'est rester ouvert au fait qu'il faut toujours examiner, il faut toujours évaluer. Toujours remettre en question. Il faut toujours dire, « Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de pancarte marquée Montréal. » On s'est-tu égaré? Il me semble que je me souviens toujours, la première fois, là, je vous conte une histoire pas mal intime, là. La première fois que je suis parti de Victoriaville, la première fois, j'avais 17 ans. Okay? Puis là, je m'en vais loin, très loin, Québec. Je monte à Québec, j'avais 16-17 ans. Et je m'en allais pour m'inscrire, pour rentrer dans l'armée. Je me vois là, je vais voir écrire ma l'armée. Je monte là, sur le pouce, puis là, je m'arrive là-bas, puis là, je m'embarque, puis là, je fais mes affaires, puis là, je viens pour partir, puis là, je repars sur le pouce. Mais c'était rendu le soir. Et là, tout d'un coup, je me réveille, puis je suis à Drummondville. T'es à Drummondville. J'ai l'autre de la Transcanadienne, le gars qui m'avait embarqué sur le pouce, il me réveille, il dit, tu t'en vas où finalement, toi là? Il dit, ben, je dis Victoriaville. Ah, ils ont le passé de l'être, je suis à Drummondville. Fait qu'il m'a démarqué à Drummondville. Je savais pas c'était où Drummondville, moi, ça. Là, j'étais où? Comment loin j'étais de Drummondville, de Victoriaville? Puis, où que je pense pour retourner à Victoriaville maintenant, moi, là? Moi, mon père, vous savez, mon père n'a jamais eu d'auto, fait qu'on se promenait pas beaucoup. Donc, tu sais, jamais, on se promenait pas beaucoup, là. Fait que. J'ai. Fallu que j'admette, puis là, j'ai. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai arrêté une police qui passait. Je suis perdu. Je ne sais pas ce que je vois. Il dit, tu viens d'où? Je viens de Québec. Où tu veux aller? Il dit, retourne-moi à Québec. Va y coucher à Québec. Je ne sais plus ce que je m'en vais. Je remonte à Québec avec la police. Ils m'ont débarqué une chambre d'hôtel. J'ai couché. La lendemain, j'ai parti de clarté. Là, j'ai dit, faites attention aux pancartes. Parce que, puis je me suis assis pour m'endormir en revenant. Voyez-vous, ça, vous m'en dites, ce pas des choses qu'on a toujours de mauvaise intention. Mais on s'égare. Parce qu'on n'est pas à l'écoute. On pense qu'il n'y a pas de possibilité qu'on s'égare. On pense que pas, ça n'arrivera pas. Mais ça m'est arrivé. En réalité, vu que c'est dans l'Église, on sait que c'est toujours par rapport à Dieu. Mais parfois, ce n'est pas si clair que ça, la façon dont ça, quelque chose va se glisser, parce que tu sais, je n'ai pas nécessairement d'exemple là, de concret, là, mais dans les mettons... Parce que la Bible, elle ne dira pas, oh, si on parle de généalogie, suis ça. Elle ne dira pas, si on parle de fable, de folie, fuis ça. Elle ne dit pas clairement de même. Fait que nous, entre nous, faut. Comme tout ce qui n'est pas Dieu, on le fuit. C'est quasiment ça que ça veut dire. Non, on a une réponse. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Vous n'écoutez pas, non? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. C'est quand on s'égare, c'est parce qu'on s'est détourné. Si tu ne veux pas t'égarer, il faut juste que tu ne te détournes pas. Mais tantôt, tu as dit, des fois, on rajoute des choses. Oui, parce qu'on s'est détourné de d'autres choses. Mais des fois, on peut continuer à croire ce qu'on croyait, mais on rajoute. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, le faux docteur ne va pas enlever. Non, lui, c'est ça. Parce que lui, il va juste rajouter. Et quand tu vas avoir rajouté, tu vas laisser tomber l'autre. Tu vas laisser tomber l'autre. OK. Donc, le but de l'Église, c'est de rester, de ne pas se détourner. Puis, un exemple? Un des exemples qu'on a vécu, je vais l'amener comme ça par rapport, mettons, au repas du Seigneur, dans les années passées. Parce qu'on s'était détourné de la raison d'être du repas du Seigneur. Mmh. Sans s'en rendre compte, on a fait du repas du Seigneur. Un moment où on examinait nos consciences pour savoir si on était des bons chrétiens et tout ça. Mm-hmm. Le but, c'était pas ça. Le but, Dieu me dit, je veux juste que tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi. Je veux pas que tu regardes ce que tu as fait cette semaine, là. Est-ce que tu vas avoir honte? Probablement. Parce que tu vas avoir péché, tu vas te sentir coupable. Ça ne vous arrive pas, ça, je le sais, mais moi, ça m'arrive des fois. Si j'examine la semaine qui vient de passer, j'ai des moments de honte. Surtout si Jésus m'apparaît devant moi, tu sais que j'avais des moments où j'avais des jours rouges. Parce qu'on a péché. Et il dit, c'est pas ça que je veux que tu fasses, je veux que tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi. Donc, on s'est détourné. Mais ça a une influence sur d'autres choses dans notre vie chrétienne. Parce que on n'isole pas ces vérités-là. Ça se tient tout ça ensemble. Mais le but, nous autres, qu'il faut faire, c'est de faire tout notre possible pour ne pas se détourner de la vérité. Donc, quand je suis bien ancré dans la vérité et qu'on m'emmène du faux ou qu'on m'emmène des généalogies, je me dis, mais à quoi ça va me servir? J'ai pas besoin de ça dans ma vie chrétienne, moi, non? J'ai pas besoin de ça. Pourquoi t'emmènes ça, là? On n'a pas besoin de ça, c'est juste, c'est du temps perdu, ça n'a pas de valeur. Je suis déjà complet dans la foi que j'ai. J'ai déjà ce que j'ai besoin par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ. Et quand on veut rajouter quelque chose, c'est une raison, quelque chose qui se passe. Donc, moi je crois que ce que j'ai remarqué, en tout cas, je vais vous parler pour moi, dans ma vie pour moi, là, les premiers 20 ans, 25 ans de vie chrétienne, j'avais quasiment cette pensée, cette conviction-là. On était dans le chemin, on était correct. Fait que je ne m'interpellais pas. Jusqu'au temps, je me suis posé la question, mais on est-tu dans la bonne direction, non? Et là, j'ai remis en question les choses. C'est tant que j'ai pensé que je n'étais pas égaré, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas rien fait. Et quand j'ai commencé à me poser la question, j'ai dit, peut-être qu'on s'est planté quelque part. Donc là, qu'est-ce qu'on fait absolument? On vire d'abord, on tourne sur nos traces, on s'en va jusqu'où ce qu'on sait qu'on est rendu. Hein? Tiens, on tourne j'ai dit ça souvent, quand vous avez des problèmes ici, dans la foi, vous retournez au début, au salut, la conversion. C'est ce moment-là que tu as eu une erreur, que tu es rendu dans le champ de patates ici, là. Et recule, reviens en arrière, et rebâtis, refais ton chemin, tu vas probablement trouver où ce que tu t'es égaré à quelque part. OK? Et nous, on a tendance à ne pas vouloir le faire. On est ici, on veut juste régler le problème ici, on ne veut pas retourner en arrière pour voir ce qui s'est passé, là. Et vous remarquerez quand les apôtres font ça, rappelle-toi, retournez en arrière ce que vous avez entendu. Allez voir ce que les apôtres vous avaient dit, ce que Jésus vous avait dit, retournez en arrière. Il va le dire à Timothée, rappelle-toi, Timothée, rappelle-toi. Tu t'es laissé distraire par ce qui se passait dans l'Église. Parce que Timothée est arrivé dans une Église en conflit, donc tu t'es laissé distraire par toutes ces généalogies, ces discussions, tu as embarqué dedans. Lui, il va dire à Timothée un peu plus loin, fuis ça, Timothée, va-t'en loin ces discussions-là, occupe-toi pas de ça, toi. Étudie les Écritures et prêche les Écritures, loin de ces affaires-là. Parce que tu t'es fait pogner, t'es embarqué là-dedans. On fait ça des fois, n'est-ce pas? On se laisse embarquer dans des affaires qui n'ont pas vraiment. Bon, là, si je prends le mot qui est ici, ça s'appelle ça des vins. C'est un discours. Ça n'a pas vraiment d'importance. Verset 7. Ils veulent être docteurs de la loi. C'est qui ça, là? Ils. C'est ceux qui enseignaient avant, là, dans le verset 3. Hein? Certaines personnes qui enseignent, certaines personnes qui s'attachent à des fables. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent et ni ce qu'ils affirment. Pas dur, ça. Tu veux être docteur de la loi. T'sais, le mot docteur, c'est le mot. Ils veulent enseigner. Hein? C'est le mot qui est celui qui enseigne. Ça vient d'un mot qui veut dire enseignant. Ils veulent enseigner de la loi. Ils veulent se présenter comme des enseignants de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est ça qu'on peut penser que c'était des juifs. Hein? On peut penser que c'était des juifs. Ou des prosélytes juifs, au moins, il faut qu'ils connaissent la loi. Je ne pense pas qu'il y avait un nouveau converti grec là, qui se faisait docteur de la loi, de tout ça. Je pense que c'est tous des juifs qui se sont fait docteurs de la loi. Et ils. Il dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il ne faut pas les mettre comme des épaves, pas des niaiseux, là. Ils savaient lire, hein? Ils savaient lire l'Ancien Testament, puis ils avaient été élevés avec l'Ancien Testament. Donc, Paul, il dit, ils le lisent, mais ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 8? Ils n'en font pas un usage légitime. Donc, ils comprennent l'Ancien Testament, ils vont lire l'Ancien Testament, ils vont citer l'Ancien Testament, mais ils n'en font pas un usage légitime. Exemple, tu veux, tu as une vis qui ne veut pas, une boîte qui ne veut pas s'ouvrir, tu prends des pinces grippes ou un marteau, tu vas démarcher de là. Tu ne fais pas un bon usage des outils, ce n'est pas fait pour ça. Va Va te chercher une clé, va te chercher un ratchet, va te chercher quelque chose qui tu vas faire un bon usage. Dieu dit, vous utilisez mal la loi. Ils ont utilisé mal la loi, puis elle n'est pas à bonne place. OK? Un usage illégitime, ça veut dire que tu ne l'utilises pas avec légitimité. Tu ne l'utilises pas pour la raison que ça a été donné. Un marteau, ce n'est pas fait pour enlever des vis. C'est un tournevis qui est fait pour enlever des vis. Un marteau, ça, quand tu t'en sers, on va dire, tu vas scraper ta planche. Là, tu vas enlever une vis. Mais si tu veux, la loi, elle avait un but, la loi. Tu dois l'utiliser avec le but que Dieu l'a donné. Si tu ne l'utilises pas avec le but que Dieu l'a donné, on appelle ça un usage illégitime. Et il dit, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils l'utilisent mal. Il dit au verset 8, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Ben oui, la loi est bonne, elle est super bonne, elle est divine, elle vient de Dieu. Donc, malheur à celui qui dit que la loi n'est pas bonne. La loi est bonne, elle vient de Dieu, donc elle est bonne. Mais seulement si on en fait un usage légitime. Je parlais avec un chrétien cette semaine. Le chrétien me dit qu'il y a un autre chrétien qui dit, il me dit que je suis légaliste. Je dis, pourquoi il dit ça? Ben, il dit, parce qu'il dit, tu es toujours en train de me citer l'Ancien Testament. Donc, un chrétien qui cite l'Ancien Testament pour amener un autre chrétien à changer de comportement. Faisais-tu un usage légitime ou illégitime? Donc, qui avait raison? Hein? Donc, y a-tu bien utilisé l'Ancien Testament? Ou bien non, s'il l'a utilisé mal? Donc, s'il l'a utilisé mal, il fait un usage illégitime. On se comprend? Mm-hmm. Donc, ça vaut pour l'Ancien Testament, mais ça vaut aussi pour toute la Bible. Okay? Si on utilise la Bible, ce que nous autres, devons appeler hors contexte, ou on utilise la Bible de façon illégitime, ben, on se trompe soi-même et on trompe les autres. Verset 9. Là, on va essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. La loi n'est pas faite pour le juste. On va essayer de déterminer c'est qui le juste. Mais la loi, elle a été faite pour les méchants. Okay, on va juste prendre ça. On va prendre le mot méchant et résume toutes les autres. Okay? La loi n'a pas été faite pour le juste, elle a été faite pour les méchants. Là, il en donne une dizaine de descriptions ici. Là. Donc, la loi, hein, si je veux l'utiliser de façon légitime, il faut que je l'utilise avec les méchants. Si je l'utilise avec les justes, ben ça ne marche plus. La question qu'on va se poser, pourquoi Paul amène cette idée-là? Pourquoi est-ce que Paul veut dire ça à Timothée? Donc, il dit, les gens que tu dois reprendre et redresser, et finalement redresser toute l'Église qui a été influencée par eux autres, il va falloir que tu leur dises de bien utiliser la loi. Il faudrait que tu leur dises ça. Il faudrait que tu leur montres de bien utiliser la loi. Parce que s'ils utilisent mal la loi, ben, ils vont s'en aller dans le champ de patates, comme on dit en québécois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que la loi n'a pas été faite pour le juste, mais elle a été faite pour les injustes. Avant la loi, si je vous pose la question, avant Moïse, est-ce qu'Abraham savait qu'il était pécheur? Ben oui. Est-ce que Noé savait qu'il était pécheur? Oui. Ben oui. Est-ce que Caïn et Abel savaient qu'il était pécheur? Ben oui. Donc, la loi, c'est à quoi ça sert? Alors, c'est tous des méchants, ça, là. C'est tous des pécheurs. Mais le juste, c'est qui, ça? Le juste, c'est le contraire du méchant. Vous pouvez comprendre ça comme ça dans le texte, ici. C'est celui qui n'est pas méchant, rebelle, impie, pécheur. Là, on dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Des fois, on peut se revoir dans comme ça, tu vois, là. Mais comment Paul utilise les deux mots ici, le juste et le méchant? La loi, elle avait quel but? Si je veux bien utiliser la loi, faut que... J'ai parlé de ça avec un pasteur la semaine passée. J'ai dit, c'est quoi le but de la loi? J'ai dit, je t'encourage à élargir ta définition de la loi. Élargis la définition de la loi. C'est quoi la loi pour toi? La tendance qu'on a, c'est quoi? C'est de dire, et lui, ce que le pasteur m'a répondu, la loi est là pour me montrer que je suis un pécheur. Là, j'ai dit, mais Abraham, il ne savait pas de moi. Ben oui. Mais elle est là pour conduire à Christ. C'est-tu trop réduit de dire que la loi est là pour nous conduire à Christ? Oui, mais c'est une... Là, tu dis que tu es un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ouais. Fait qu'elle n'atteint pas son but, mais elle nous conduit à Christ. Ben oui, oui, oui. Si son but, c'est ça, si le but, c'est de me conduire à Christ. OK? Donc, quand Dieu a donné à Moïse, au peuple d'Israël, c'était pour les aider à aller vers le salut dans le Messie. On ne l'appelle pas Christ ou le Messie, ou dans celui que Dieu. Hein? Sauf que c'était pas clair. Oh, c'était très clair. Non, mais je veux dire, dans... Allez, excusez-moi, jamais je n'aurais pensé de. Le diable, les distractions du diable. Excusez-moi. Moi, je fais ça dehors. Oh non. Dans le domaine du généalogie. On revient, s'il vous plaît. On était rendu où, là? Excusez. On parlait de la loi. La loi a été donnée pour conduire le peuple de Dieu au salut en Jésus-Christ. Mais dans ce temps-là, là, je comprends, aujourd'hui, on le sait comme quand, voyons, dans la Genèse, là, quand il a dit que le serpent c'était pas clair dans la tête des gens. Nous, on le voit là maintenant, mais c'était pas clair dans la tête des gens. C'était très clair. Pendant Yves, c'est sûr, il faut donner naissance à quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. C'était clair. C'était clair que c'était Jésus. Non, c'était clair qu'est-ce qui arriverait. Un jour, on va mettre quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Bon, oui. Ah oui, OK. Moi, je dis, je vous dis, là, Dieu, quand il parle, c'est à toujours comprendre. Toujours comprendre. Il ne parle jamais dans un langage que les gens à qui ça ne comprendront pas. OK? Nous, on va comprendre plus, rendu plus loin, on va comprendre des nuances à tout ça plus loin. Mais quand il dit à Adam hier, de toi, il va naître quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Ils ont bien compris qu'un jour, il va naître un homme qui va écraser la tête du serpent que là. Je ne l'avais pas compris tant qu'on l'avait pensé. Mais non, mais ça, lui, il ne voit pas Jésus pantoute à Adam hier. Il ne voit pas Jésus pantoute, les autres-là. Il voit juste qu'il va naître quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Qui va mourir sur une croix? Non. Qui va s'appeler Jésus? Non. Qui va être le Fils de Dieu? Non. Mais quand il donne, il va envoyer quelqu'un qui va venir sauver les gens, qui va détruire ceux qui les ont. Le tentateur, celui qui est le diable, il dit, lui, il va être détruit un jour. Qui va détruire? C'est quelqu'un qui va sortir de toi, madame. Un être humain qui va sortir de toi. Ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils l'attendaient. Parce que moi, je me dis, il y a des gens, à partir de là-dedans, qui ont été convertis. C'est ce qu'ils ont compris. Tu peux pas être converti si tu ne comprends pas, là. Donc, eux autres, Adam et Ève, s'ils se sont convertis, ils attendaient quelqu'un qui était pour sortir, détruire le tentateur. Quelqu'un a parlé à Moïse, puis quelqu'un a donné la loi à Moïse, les gens savaient pourquoi Dieu avait donné la loi. Dieu, il sait toujours comprendre. Toujours. Il parle toujours avec un langage pour se faire comprendre. C'est juste que là, les Juifs, ils ont détourné. Ah oui, quand tu ne veux pas comprendre, c'est une autre histoire. C'est ça, Jésus va dire, ouais, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Si tu ne veux pas entendre, même Dieu n'est pas clair. Même Dieu n'est pas clair quand tu ne veux pas comprendre. Mets Jésus devant le gars, puis le mec, Jésus, ça, on va dire, c'est le plus grand évangéliste du monde. Mets-le devant quelqu'un, puis il va l'évangéliser. Quand il ne veut pas comprendre, il ne veut pas comprendre. Ben, qu'ils l'ont rejeté en l'entendant, c'est ça. Donc, ce qui est la loi, elle avait été donnée, et moi, quand tu étudies la loi, la loi, c'est l'ensemble de ce que Dieu a donné à Moïse sur mon Sinaï, il n'y a rien qui explique le salut comme ça. C'est tellement clair, le salut là-dedans. Tellement clair. Que pendant des années, je m'en suis servi pour évangéliser. Moi, j'avais des dessins, je montrais avec des dessins. C'est tellement clair ce que la loi dit. C'est ça, on devrait dire, ben, OK, j'attends quelqu'un qui va venir un jour, qui va faire un sacrifice, puis qui va rentrer dans la présence de Dieu, qui va mettre le sang sur l'autel. C'était tellement clair. Imaginez-vous, là, un juif, mettez-vous dans la tête d'un juif, là. Je m'en vais au temple, mais je ne peux pas y aller les mains vides. J'emmène mon mouton avec moi. Éteins mon petit mouton, éteins. Il est arrivé au temple, qu'est-ce que tu faisais avec ton petit mouton? Non, tu le donnais à un prêtre. Tu le donnais à un prêtre. Le prêtre le rentrait, lui faisait le sacrifice. Et le prêtre, pourquoi tu lui donnais? Ben, tu lui donnais pour qu'il fasse le sacrifice. Donc tu comprenais que toi, tu ne pouvais pas le faire. Il fallait que quelqu'un d'autre fasse le sacrifice. Toi, ce n'est pas toi qui pouvais faire le sacrifice. Et là, tu le donnais au prêtre, le prêtre, lui, il saigne. Il ramasse le sang. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il donne au grand prêtre. Et le grand prêtre va prendre le bol de sang, puis il va rentrer, lui, dans le lieu très saint avec le bol de sang. Il va aller répandre du sang sur l'arche de l'Alliance, en sacrifice pour les péchés du peuple. C'est clair. Tu ne vas pas avoir plus clair que ça. Mais, question de l'indignant. Moi, j'ai vu tout ça dans ma tête. Oui. Mais là, il y a des filets de monde, là. Fait que là, le prêtre, il tue chaque animal, puis il rentre avec le bol de sang de chaque animal. Qui? T'as-tu déjà vu l'Ancien Testament, toi? Oui, mais là, je vois blanc. Mettons, là. C'était une fois par année. OK. Ouais, mais il y avait tout ce monde-là, je me souviens, parce qu'on a même dit... Une brebis. C'est une brebis. OK? Donc, il faisait un sacrifice le jour de l'expiation pour les péchés du peuple. C'était une fois le jour de l'expiation. Yom Kippour, si je me trompe pas. Non, peut-être pas ça. Il y avait une fête, la fête de l'expiation, dans le mois d'octobre, où est-ce qu'on offrait un sacrifice pour les péchés du peuple. C'était une fois par année qu'on rentrait dans le lieu très saint. Une fois par année, le grand prêtre. Ça, c'était pour les péchés de l'année. Prenez ça comme ça. Mais dans les autres fois, tu avais toujours des prêtres pour offrir ton adoration, des prêtres pour offrir tes louanges, des prêtres pour demander tes requêtes, tu avais toujours des prêtres qui intervenaient. Donc le Christ, le juif... Il y avait des animaux aussi à chaque fois. Oui, oui. Il y avait des animaux sacrifiés tous les jours, continuellement. Tous les jours, 100 jours par semaine, même Jésus dit, le jour du sabbat, le prêtre n'a-t-il pas ses sacrifices? Puis il n'est pas coupable à cause qu'il fait un sacrifice. C'est le jour du sabbat. Il y avait 7 jours par semaine, il y avait des sacrifices de fait dans le temple. Mais ça ne se rendait pas. Jamais. OK, mais ça se faisait. Fait, mais le juif, qui était moindrement sérieux, savait qu'il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. À cause qu'il était pécheur. À chaque fois qu'il allait au temple, il savait qu'il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Mais il y en a qui ont fait, non. Changer le sens. Okay? Ils ont changé le sens, puis ils ont dit, à force d'emmener des sacrifices, on va avoir le droit d'entrer. Okay? Donc, ils ont changé le sens. Ils se sont détournés de la légitimité de la loi, puis ils ont fait un usage illégitime. Ils ont voulu se sauver par la loi, au lieu de comprendre qu'un jour, quelqu'un viendrait les sauver. Okay? Qu'il y avait le sacrifice parfait. Donc, en Jésus-Christ. Donc, le juste, lui, le juste, qui a bien compris la loi et que finalement, il se convertit, il accepte Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le parfait agneau, et lui, il va jouer tous les rôles. Il est l'agneau, il est le prêtre, il est le grand prêtre, il est le simple, c'est tout lui qui fait tout ça. Quand il dit que je viens accomplir la loi, il vient accomplir tout ça. Là. Il vient pas juste accomplir les 10 commandements, lui, là. Il vient accomplir tout ce que la loi disait. Donc, le pécheur, parce qu'il va prendre les péchés, il va offrir le sacrifice, il va offrir son sang, il va rentrer dans la présence de Dieu avec son sang, il va offrir son sang à Dieu, et Dieu va leur accorder le pardon des péchés. Donc, Jésus a accompli la loi. Et ça, on appelle ça le juste. Celui qui a accompli ça et qui a adhéré à ça, qui a foi, on l'appelle le juste. Donc, lui, le juste, la loi n'est pas faite pour lui. La loi est terminée. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. La loi, c'est faite pour les jeunes pécheurs qui vont essayer de les amener à comprendre comment ils peuvent faire pour être sauvés. Okay? Donc, quand vous voulez expliquer l'Évangile à quelqu'un, je ne sais pas s'il y a déjà des inconvertis ou des contacts qui vous ont déjà dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi est-ce que Jésus tu me crois, pourquoi il devait verser son sang? Pourquoi c'est ça le moyen pour être sauvé? Tu vois, c'est déjà qu'ils ont toujours posé la question, et quelle réponse avait donné? Pourquoi est-ce que c'est ça? Je suis comme une femme qui a dit, mais pourquoi il y a tant de sang dans vos réunions? Il y a tout le monde en train de parler de sang, là. Sang de Jésus ici, puis sang de Jésus là, puis on se souvient du sang de Jésus. Il y a du sang partout dans vos affaires. Et là, faut que tu fasses quoi? Tu retournes dans l'Ancien Testament. Tu remontes jusqu'à Adam. Puis tu t'emmènes, comment? Caïn et Abel, on commence à faire des sacrifices, puis la loi, puis tout. Et Jésus, ça c'était des images, que Jésus va devenir le vrai agneau de Dieu. Il t'explique la question du sang. Le sang, c'est la vie d'une personne qui a été donnée en échange de ta vie. Et tu peux... La loi, c'est un pédagogue. Servez-vous-en. Servez-vous-en, c'est un pédagogue. Meilleur que vous. C'est un pédagogue, la loi. Servez-vous-en pour expliquer les mots. C'est une belle, les belles images de cela. Donc, il dit... Si la loi n'est pas faite pour le juste, qu'elle est faite pour les impies. Là, il dit à la fin du verset 10, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, donc tous les pécheurs, tous les péchés, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui n'a pas été, qui m'a été confié. Donc, si tu fais un usage légitime de la loi, ça va être conforme à l'évangile. Ça ne viendra pas en contradiction avec l'évangile. Si tu fais une mauvaise utilité de la loi, ça va venir en contradiction avec l'Évangile, à quelque part. Et je pourrais faire le chemin à l'inverse. Si je comprends bien l'Évangile, je ne serai jamais en conflit avec la loi. Et Paul va prendre les deux directions dépendamment de l'épître qui écrit. Donc il dit, la loi et l'Évangile, c'est quelque chose qui va ensemble. C'est deux choses qui sont en parallèle, qui sont... Indissociables. Indissociables, mais en même temps, qui sont... complémentaires. Ils ne viennent jamais en contradiction. Je peux pas les mélanger. Je ne peux pas mélanger les deux alliances ensemble. Parallèles. Ils sont en parallèle, sont côte à côte. Ils ne viennent jamais en contradiction. Donc, si je fais quelque chose qui vient en contradiction avec l'Évangile, comme ajouter le purgatoire, mettons, l'exemple que tout le monde connaît, là, je dirais, oh, tu vas contre la loi, toi, là. OK? Tu vas contre la loi, là. La loi, elle parle pas de ça, là. OK? Donc, si j'amène un vain discours, une généalogie, ou une fable, ou une autre doctrine qui contredit mon salut, ou l'évangile entendu, je dis, ça, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Donc, il faut faire attention que quand j'entends une doctrine qui contredit l'Ancien Testament, je devrais me poser des questions. La plupart d'entre nous, on n'a peut-être pas assez de connaissances de l'Ancien Testament pour savoir qu'est-ce qui contredit l'Ancien Testament. Donc, il faut bien le saisir. Mais pour le bien-être ici, l'Évangile qui m'a été confié, l'apôtre Paul, vous allez remarquer quand vous lisez les Actes des Apôtres ou plusieurs épîtres, l'apôtre Paul, pour confirmer l'Évangile, qu'il prêche comme il était correct. Il prend des textes de l'Ancien Testament. Il avait été écrit que. Il avait été dit que. Isaïe vous a-t-il pas dit que. Moïse vous a-t-il pas montré que. Le grand prêtre vous a-t-il pas dit. L'Épître aux Hébreux. C'est un récit de l'Ancien Testament, l'Épître aux Hébreux. Tout au long, on parle de repos, du sabbat, des sacrifices, du sang, des prêtres. On parle. C'est tout ça. Il va dire. L'Ancienne Alliance, si vous l'avez bien compris, ne rouvre la porte à une nouvelle alliance. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc, je ne dois pas faire un mélange. C'est ce que Jésus a dit. Ne mélange pas le vieux vin avec le vin nouveau avec les vieilles outres. Ne mélange pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il a pris fin avec la mort de Jésus-Christ. On ne l'emmène pas dans le Nouveau Testament. Laissez-les dans l'Ancien Testament. Le catholicisme a fait ça. Le prêtre s'habille comme le vieux prêtre dans l'Ancien Testament. Il y a des petits tabernacles avec des petits voiles, comme l'Ancien Testament. On a mélangé l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, et on en a fait une giblotte, qui n'est pas bonne pour personne. On a mélangé les deux. Donc, c'est pas bon, on ne peut pas mélanger les deux. L'Ancienne Alliance, on la comprend bien, elle est là pour nous aider à comprendre la Nouvelle Alliance, elle est là pour nous aider à saisir ce qu'on appelle la typologie, que vous avez déjà parlé, c'est des images, Paul dit dans Corinthiens, c'est écrit pour notre instruction, ces affaires-là. On comprend mieux en comprenant bien l'Ancien Testament. Donc, c'est la raison d'être. Donc, il dit, une des façons de reconnaître les faux discours, les fausses doctrines, ils vont venir en contradiction avec l'Évangile, ou l'inverse, on est en contradiction avec l'Ancien Testament. Donc, mais pourquoi dire ça ici? Si la loi n'est pas faite pour le juste, et le juste, c'est le croyant, pourquoi est-ce que tu veux l'emmener dans l'Église maintenant? Pourquoi est-ce que tu veux emmener ça dans l'Église? Vous avez déjà entendu dans certaines églises, on prêchait la dîme. C'est pas on encourageait la dîme, on exigeait la dîme. Donc, on prenait quelque chose de l'Ancien Testament, puis on l'amenait dans le Nouveau. On devrait pas faire ça. Si tu veux donner 20%, 50%, 100% de tes affaires, c'est ton problème. Mais tu n'as pas besoin d'apprendre l'Ancien Testament pour dire maintenant, vous êtes sous la loi de l'Ancien Testament et vous devez donner votre 10%. Quand on fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... On devrait allumer tout de suite. Wow. Là, tu es allé dans l'Ancien Testament pour chercher ça. Pourquoi tu vas chercher ça? Pourquoi tu veux me remettre sous l'Ancienne Alliance? Comme tu n'as pas le droit de manger de boudin. Tu n'as pas le droit, là, parce que c'est ta défense dans l'Ancien Testament de manger du sang. Donc, là, tu n'as pas le droit parce que dors. Pourquoi tu es allé chercher ça dans l'Ancien Testament? Pourquoi tu es allé chercher ça là? Aussitôt que vous voyez quelqu'un tourner dans l'Ancien Testament, allumer une lumière jaune tout de suite. Oh, veux-tu juste me donner un exemple? Ben non, c'est lui me mettre sous la loi. Comme Paul va dire à plusieurs reprises, quand on vous dit de faire la circoncision, attention, on l'emmène dans l'Ancienne Alliance. Quand l'Épître aux Hébreux dit, ils veulent vous ramener dans le temple faire des sacrifices, attention. Mais si on dit que ce n'est pas en contradiction, pourquoi l'un est le contraire de l'autre? Pas le contraire. Mais pas le contraire, parce que probablement que ça nous amène, les choses de l'Ancien Testament nous amènent à voir, nous amènent à Christ, nous amènent à voir des choses. Maintenant que Christ a réglé ça, certaines choses, comme justement certaines choses à manger ou la circoncision, c'est plus nécessaire. Mais la personne, elle, souvent les chrétiens qui vont te ramener à ça. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer ou il faut les ramener à ce moment-là à Christ, le sacrifice de Christ que là maintenant on n'a plus besoin? Il faut que tu les ramènes à comprendre la loi, en faire un usage légitime. Pourquoi tous ces rituels? Pourquoi le vêtement? Pourquoi tu ne manges pas ça? Pourquoi tu ne manges pas d'écrevisses? Pourquoi tu manges des vaches? Pourquoi tu ne manges pas le cheval? Toutes ces lois-là ont un sens. C'est d'aller questionner, dans le fond, d'arriver à comprendre la loi. Pourquoi? Je ne veux plus manger, je ne mange pas de porc parce que. Mais c'est d'aller chercher quelque chose là-dedans, aller réussir à trouver la contradiction pour lui. Pourquoi est-ce que Dieu avait donné toutes ces lois-là? C'était quoi le but? Qu'est-ce que Dieu avait comme intention? Parce que Dieu, entre moi et toi, il s'en fout que tu ailles là-bas avec un boudin que tu n'en aies pas là. Il y avait une raison pourquoi il veut que tu gardes des boudins là. Il y a une raison pourquoi il veut que tu t'habilles de telle façon et pas de telle façon. Il y avait une raison pourquoi il disait, mange pas ça, mais mange ça. Il y avait toujours une raison dans sa tête, Dieu. C'était pas juste, je veux juste vous écœurer. Vous avez bien des choses à manger, mais moi je vais vous dire, vous n'avez pas de manger ça. On aimait ça, nous autres. Puis Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas juste en train de vouloir. Et sa raison, c'est de m'emmener à comprendre le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi me donner tous ces rituels-là, tous ces petits détails? Parce que la loi, avait toutes sortes de petits détails de tout le quotidien, presque. Jusqu'à temps que tu te lèves, tu vas te coucher. Tout ça avait tout un sens pour m'aider à comprendre ce que Jésus t'a pour faire. Donc, si j'étais un juif, puis j'étais sous la loi au temps de Moïse, je devais respecter la loi dans son entité, pas certaines choses, dans son ensemble. Puis si j'isole certaines parties de la loi, puis je la mets je détruis toute la loi. Je ne peux pas, il faut que je la laisse dans son casse-tête, il faut que je la laisse dans sa boîte. La boîte, elle fait du sens dans son. Le morceau de casse-tête fait du sens dans sa boîte de casse-tête. Et si je prends le morceau que je vais le mettre dans une autre boîte, ça ne marche pas. Si je prends un morceau du casse-tête de l'Ancien Testament, je vais le mettre dans le Nouveau Testament, je vais briser le Nouveau Testament, je vais briser l'Évangile. Parce que ça n'a pas, sa place là. J'ai atteint le but. La loi, elle a été accomplie. Je suis maintenant, la loi a servi de pédagogue pour amener François à Jésus-Christ. Maintenant, je ne suis plus sous la loi. Je peux. La personne qui veut amener la loi dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'elle n'a pas vraiment compris le sens de la loi, la raison d'être de la loi. Donc, c'est elle, la loi. La plupart des croyants vont dire, quand on leur demande à quoi ça sert la loi, ça nous montre qu'on est des pécheurs. Ça, la plupart du temps, c'est ça qu'on répond. Mais c'est pas ça. La beaucoup plus vaste que ça, la loi. La loi, là, c'est le pécheur qui comprenait la loi, là, il naissait en dedans de lui une espérance de salut épouvantable. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans la présence de Dieu à ma place, offrir un sacrifice. Moi, je ne peux pas rentrer. Il y a quelqu'un qui peut rentrer. Donc, il y a de l'espoir. C'est pas qu'on me ferme la porte au bout, à l'entrée du temple. Ça, va-t'en du site, pécheur, toi, là, il n'y a pas d'espoir pour toi. Là. Non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. L'espoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans la présence de Dieu à ta place et offrir un sacrifice pour tes péchés à ta place. Donc, il y avait de l'espoir. C'est parce que nous autres, on a vu la loi, où les gens voient la loi souvent d'une façon très négative. Même la loi civile, ici, on la voit comme un obstacle à nous. Liberté. On voit la loi comme à nous restreindre dans nos plaisirs. Mais pourtant, la loi, c'est faite pour le bien-être. Okay? La loi humaine, elle a ses défauts, bien compris. La loi humaine, elle a ses défauts. Mais la loi de Dieu n'avait pas. Là. Donc, la semaine prochaine, l'apôtre Paul, il va dire, je vais me donner un exemple pour moi. Paul dit, je vais me donner un exemple de quelqu'un qui a fait un usage illégitime de la loi. Paul avait fait un usage illégitime de la loi avant de se convertir. Il voulait se servir de la loi pour se justifier auprès de Dieu. Puis il dit, j'étais un blasphémateur. Hey, voyez clair, Paul. J'étais un blasphémateur. Même si j'étais le pharisien, le plus pharisien possible, j'étais un homme qui observait la loi le mieux que je pouvais, quasiment à 100%. Il réalise qu'il était un blasphémateur parce qu'il utilisait mal la loi. Okay. François, là, je ne sais pas si ma question va être la semaine prochaine. Non. Vas-y. Pourquoi d'abord, tout de suite après, il parle là, comme ça, mettons que tu viens de parler de la loi avec tout ce que ça implique dans la loi, mais là il parle pécheurs, profanateurs, ceux qui tuent leur père, leur mère. Eux, là, c'est dans l'Église, ils ne font pas ça dans l'Église, ces choses-là. Pourquoi que Paul écrit ça? Parce qu'il dit que la loi est faite pour ces gens-là. Mais les gens qui avaient la loi, ils faisaient ça, tu sais, je veux dire, tu tues ton père, ta mère. Les gens dans l'Ancien Testament, il y en a qui tuent, mais tu fais pas ça. C'est juste nommer des péchés. C'est juste une façon de décrire que le péché. Le péché, on aurait pu prendre un autre paquet de péchés. Ça aurait été la même affaire. Il aurait-tu pu dire, il y en a qui mangent du boudin, puis tu sais, aller vers ces précisions-là de. Non, je crois qu'il y a plus des choses plus. Marquantes, là. Oui, puis en même temps, qui ont une connotation. Une religion. Oui, qui s'attachait souvent aux religions qui étaient là. Mais l'importance n'est pas là, c'est que c'est le. Il commence par dire le méchant, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, donc ceux qui ne pratiquent pas de religion, les irreligieux. Oui, celle-là, je la comprenais. Les profanes. Donc, les idolâtres qui offraient leurs enfants à des idoles. Il y a toutes sortes de péchés, là. Donc, c'est. Le but, c'est que la loi utilise les biens. Parce que dans l'Église, il y a des gens qui utilisent la loi de façon illégitime. Donc, il dit, ils utilisent la loi, des gens dans l'Église, d'une façon qui n'est pas correcte. Donc, il faut que tu leur dises que la loi n'est plus pour nous. Elle n'est pas pour nous, la loi. Et elle est faite pour ceux qui ne sont pas encore convertis. C'est ça que nous autres, on dirait. Okay? C'est tout simplement ça que je comprends. Okay? Donc, puis il va dire, la loi, vu qu'elle n'est pas faite pour le juste et qu'elle est faite pour le pécheur, ceci est conforme à l'Évangile. Parce que quand tu as compris l'Évangile, tu sais que tu n'es plus sous la loi. T'es plus là. La question, c'est pourquoi ils veulent le ramener. On va le voir s'en aller. Pourquoi ils veulent le ramener? Et Paul va dire, moi, j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agi par ignorance. Mais vous autres, par exemple, vous autres dans l'Église, par exemple, les autres, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez entendu l'Évangile. Vous avez cru en l'Évangile. Vous autres, si vous ramenez la loi, là, vous êtes juste, vous êtes dans la merde, comme on dit en québécois. Vous autres, vous avez un problème. Moi, j'ai obtenu miséricorde, mais si vous autres allez dans cette direction-là, plus miséricorde. Vous abandonnez maintenant l'Évangile et vous voulez maintenant retourner à la loi, ou remettre la loi dans l'Évangile. Vous voulez faire un mélange avec l'Évangile. On va en parler plus la semaine prochaine, parce que Paul se donne un exemple, et c'est vraiment... Il n'y avait pas plus juif que Paul, il dit lui-même. J'étais plus zélé que tous les gens de mon âge. Mais pourtant, il décrit sa vie passée comme un blasphémateur. Puis il dit, j'y vais en livrer, j'ai livré deux chrétiens parce qu'ils blasphémaient. Donc il utilisait mal la loi. Donc ils veulent retourner vers la loi pour quelque chose, quelque raison. Donc, la semaine prochaine, on revient là-dessus. Et tout en s'en allant, ça va revenir avec la question d'un cœur pur, une bonne conscience. D'avoir une foi sincère. On va revenir avec ça. Donc, si je reviens à la loi, si je veux ramener la loi, je deviens-tu avec un corps d'eau? Je reviens-tu avec d'autres choses, avec une conscience qui n'est pas claire devant Dieu? Je veux dire à Dieu que Jésus est suffisant. Dans nos bords, je veux dire, il n'est plus suffisant. OK? C'est important. Si tu dis Jésus est suffisant pour ton salut, pourquoi tu veux ramener autre chose maintenant? Donc, c'est pas clair dans ta tête. Donc, on va passer au repas du Seigneur. Mais avant, on va faire une prière. Okay? Notre bon Père du ciel, on te remercie que tu nous as parlé encore une fois aujourd'hui. Tu nous as parlé de vraiment être conscient qu'il y a un effort de notre part. Un effort pour garder la vérité. Un effort de notre part pour garder une foi sincère, une bonne conscience, un cœur pur. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider toujours à d'être conscients de cela, que ton esprit nous éveille à ça. Et que tu nous donnes aussi la sagesse et l'intelligence spirituelle pour faire de l'Ancien Testament un usage légitime. Parce que des fois, on a tendance à l'étudier de façon illégitime. Donc, donne-nous cette grâce de voir quand on tourne nos regards, quand qu'on va lire l'Ancien Testament ou que quelqu'un nous parle de l'Ancien Testament, qu'on puisse comprendre que ce n'est pas fait pour le juste. Mais c'est pour amener des gens à devenir justes en Jésus. Donc, donne-nous ce discernement-là, Seigneur, en tant que ton peuple, ici. Au nom de Jésus, amen. Amen. Gaëtan. Merci, François. Merci encore pour cet enseignement. Et on peut se rendre compte à quel point notre Dieu est grand. À chaque fois qu'on se rend compte, il trouve le moyen de nous parler. Merci Seigneur. J'aimerais, si vous voulez, tourner dans Apocalypse, le chapitre 5. Et on va le lire au complet, s'il vous plaît. Chapitre 5. Le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit : ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, j'ai les entendus qui disaient : à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient : amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Quand je lis ce chapitre et que je prends le temps de méditer un peu sur le chapitre, je me dis : le jour vient. Le jour est pas loin, le jour vient, puisque je pourrais, en compagnie de frères et de sœurs, dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau : vient la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et comme les meilleurs, on va se prosterner et y adorer. Le jour vient. Nous sommes rassemblés ici par la grâce de notre Dieu pour se rappeler cet agneau, Jésus, ce qu'il a accompli en venant sur cette terre. Comme le disaient les versets 9 et 10 que nous venons de lire, je vais les relire. J'ai un peu la tendance à redonner, qu'on dit, je ne sais pas trop qu'on dit, à revenir sur la même chose souvent, mais j'aimerais relire le verset. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 10, il dit : tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs, des sacrificateurs pour ce Dieu si grand, qui nous accorde le privilège aujourd'hui de s'arrêter pour prendre ce repas en souvenir de lui. sans le sacrifice de Jésus, de l'agneau, de cet agneau, nous n'aurions pas pu être les sacrificateurs pour ce Dieu. Mm-hmm. On va prendre le repas. Moi et Céline, on va passer les éléments. Et ensuite, je vais demander à François de nous faire jouer un court chant. Et on pourra terminer par la prière. Rappelons-nous cette dernière nuit qu'a passée ici sur cette terre, le soir où il était rassemblé avec ses disciples, où il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a partagé avec eux en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. J'ai également avec ses disciples en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Thank you. quelqu'un aimerait prier? Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, on a vu dans ta parole, l'enseignement de ta parole nous dit que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, c'est, on voit la venue du Seigneur, la venue de Jésus. Nous, on sait que c'est Jésus, mais ceux qui vivaient dans ce temps-là, ils croyaient au Messie, ils croyaient qu'il y aurait un jour un homme, quelqu'un qui viendrait accomplir la parole de Dieu, ce que Dieu avait prophétisé tout au long de l'Ancien Testament. Merci Seigneur pour le pain et la coupe. On veut se rappeler ce merveilleux sacrifice que tu as accompli à la croix. Et on te loue, on te glorifie. Sois béni, Seigneur, grand Dieu. Amen. Seigneur Dieu, je suis tellement reconnaissante que tu t'es fait connaître à moi. Merci pour ce sacrifice qui est parfait. Toi qui étais Dieu, tu t'es dépouillé de ce que tu étais. Tu es descendu sur cette terre pour t'offrir un sacrifice. Merci, Seigneur. Puis merci pour l'enseignement qu'on a, Seigneur Dieu. Que tu nous redresses, que tu nous corriges, que tu nous amènes à mieux te connaître et mieux te servir. Merci, Seigneur. À la lecture de ce chapitre 5, Seigneur, tu nous as montré à quel point le ciel éclate en louange, éclate en adoration, se prosterne devant toi et devant l'agneau. Nos louanges sont un peu ternes en considération de cela, mais on a espérance à cause de Jésus-Christ qu'un jour nous serons là et que nous allons pouvoir chanter de tous nos poumons, de tout notre cœur. Et on va pouvoir dire, si on est ici, c'est à cause de l'agneau immolé. Merci de nous garder cela à l'esprit tout le temps. Merci pour Gaëtan qui nous a fait penser à cela aujourd'hui. Toujours se rappeler, c'est à cause de lui, c'est par lui, c'est pour lui que toutes ces choses s'offrent. Nous sommes ici pour lui. Et Seigneur, nous partons d'ici aujourd'hui et tu nous as rappelé que nous sommes tes sacrificateurs dans la semaine qui s'en vient. Nous sommes là pour te servir, nous sommes là pour exalter ton nom. On te demande, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous conduises, tu nous stimules, que tu nous donnes la force dans la semaine qui vient de pouvoir faire ressortir ton éclat, ta gloire, ta lumière. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.